Chérie, tu te souviens quand nous habitions dans le petit studio de la rue de la Gare? Oui, c'était minuscule. On avait un canapé-lit et on était obligés de l'ouvrir tous les soirs. Ouais, c'est vrai. Et tu te souviens comment on faisait la cuisine? Ah, c'était luxueux, nous avions au moins deux assiettes, deux verres et une casserole. Nous buvions le café dans les verres. Du studio, on voyait la cour de l'école. Tu te rappelles? On regardait les enfants qui faisaient des quantités de bêtises. C'était drôle. Mais c'est un bon souvenir, non? Ben oui. Nous étions jeunes, heureux, amoureux. Tout comme maintenant, 30 ans après.